Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour que feuilleter le calendrier des esclavages et des libérations. Alors tout d'abord, j'ai un message à vous lire. Lou a eu ce soir à l'antenne Philippe Horch, directeur du Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l'homme. Il a annoncé une conférence pour ce mercredi 30 mai, rediffusion demain matin, parce qu'il y a eu un souci technique. Lou pense que son émission n'est pas passée à l'antenne, elle a été enregistrée, donc elle sera utilisable prochainement, demain matin, de 7h à 8h, ou écoutable en podcast sur notre site internet et notre page Facebook. Voilà, donc la foudre est tombée malencontreusement sur l'antenne de Guimauzeau. Bon, il y a beaucoup d'antennes sur le mât, mais souvent la foudre tombe sur le milieu du mât. Hein, pas sur les antennes du haut, ni les antennes du bas, mais les antennes du milieu. Et il se trouve que notre antenne est au milieu, alors évidemment, incident technique dont pâtissent les auditeurs de RGM. Hein. Voilà, ça sera réparé certainement assez vite, espérons-le. Voilà. Et donc, je reprends donc le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 27 mai ? Le 27 mai 1525, en Allemagne, Thomas Münzer et Henri Pfeiffer sont décapités aux portes du Mühlhausen. Leur corps et leur tête empalées sont exposés. Vous voyez, on nous parle beaucoup de la Révolution, Robespierre, etc. Les cruautés n'ont pas été inventées à l'occasion de la Révolution française, bien, c'était bien avant. Hein. 1797, France, Gracchus Babeuf, révolutionnaire qui préparait la conspiration des égaux, pardon, est condamné à mort. Il se poignarde en plein tribunal. 1848, France, les ouvriers deviennent électeurs et éligibles au prud'homme. 1871, France, les fédérés sont assiégés par les Versaillais au cimetière du Père-Lachaise. 1600 d'entre eux sont tués au combat ou fusillés contre le mur que l'on appelle aujourd'hui encore le mur des fédérés. 1905, Suisse, le numéro 1 du journal Prolétari paraît à Genève sous la responsabilité de Lénine. 1915, Arménie-Turquie, une loi accorde toute liberté aux autorités pour supprimer toute résistance et déporter les populations des villages suspects de trahison. Elle sera utilisée avant tout contre le peuple arménien. 1926, c'est un génocide. Hein. 1926, Maroc, capitulation d'Abdelkrim après le soulèvement du Maroc espagnol. Elle met fin à la République du Rif, mais non aux opérations militaires. 1941, France, malgré l'occupation allemande, 120 000 mineurs du Nord et du Pas-de-Calais sont en grève, protestant contre les difficultés de ravitaillement, l'insuffisance des salaires et la présence nazie. 1943, France, première réunion du Conseil national de la résistance, rue du Four. 1951, Autriche. Alors, on reprendra tout à l'heure parce que j'ai un coup de téléphone là. Thank you. Oui, alors donc, le téléphone, bah oui, c'est bien, c'est pratique. Ça permet de savoir si on passe à l'antenne ou pas. Apparemment, c'est pas le cas. Hein ? Ouais, oui, c'est pas le cas. Alors, c'est pas la foudre qui est tombée sur l'antenne. Cette fois-ci, la foudre a dû tomber sur un autre dispositif, le dispositif de transmission des données entre le studio qui est ici à Saint-Étienne, à l'ancienne mairie, disons, et puis l'antenne qui est là-haut, sur la montagne. Hein. Voilà, donc 1941, j'en étais. Malgré l'occupation allemande, 120 000 mineurs du Nord et du Pas-de-Calais sont en grève, protestant contre les difficultés de ravitaillement, l'insuffisance des salaires et la présence nazie. Voilà des gens qui étaient sacrément, sacrément courageux. En 1941, à pleine occupation du territoire français par les nazis, oser faire une grève, il fallait le faire. Hein. Ah ben, il y a eu des représailles, ça c'est sûr. Ah oui, il y a eu des déportations, des fusillés, des gens qui ont été mis en prison, qui ont été mis à la porte, etc. Ces gens-là, ils réagissent comme ça, les fascistes. Hein, les vrais fascistes. 1943, France, première réunion du Conseil national de la résistance. Ça s'est passé rue du Four. Alors encore, des gens qui étaient extrêmement courageux. 1943, le Conseil national de la résistance qui s'est réuni, c'est dans la clandestinité. Si l'un d'entre eux se faisait arrêter, ou tous, ils savaient qu'ils avaient droit à des traitements extrêmement cruels. Hein ? Ah oui, torture, déportation, camp de concentration, chambre à gaz, four crématoire, etc. Pour eux et éventuellement pour leur famille également. Donc il fallait être très courageux pour faire grève en 1941 contre le fascisme, contre le nazisme, le fascisme allemand, et en 1943. Hein, très courageux. 1951, Autriche, Théodore Körner, maire socialiste de Vienne, ancien commandant des milices populaires et élu président de la République. 1967, Australie. Les Australiens votent à 90% en faveur d'un changement de la Constitution donnant la citoyenneté aux aborigènes. Enfin, en 1967, on leur donne la citoyenneté aux aborigènes. Les aborigènes, rappelons que ce sont les premiers habitants d'un territoire, les tout premiers habitants qu'on peut identifier comme étant les premiers habitants de territoire. Et malgré leur ancienneté sur le territoire, eh bien, ils comptaient pour du beurre. Et voilà. Enfin, on leur a donné la nationalité en 1967. Hein. Ce n'était pas les nazis qui régnaient en Australie, mais il y avait une certaine forme de racisme, de fascisme quand même. Hein. Ah oui. 1968, France, à 7h30. Fin des négociations de Grenelle, les accords de Grenelle. Les accords prévoient une hausse des salaires de 10 à 15% dans l'industrie et les services. Le taux horaire du SMIG, S-M-I-G, c'est-à-dire salaire minimum interprofessionnel garanti, et pas SMIC, comme on a dit par la suite, est porté à 3 francs. 3 francs de l'heure. Ah oui. Les agriculteurs et les ouvriers agricoles peuvent en profiter. Les syndiqués pourront se réunir une fois par semaine pendant le temps de travail. Ces accords sont discutés dans de nombreuses entreprises et rejetés par la base. Ah. Au stade Charletti, à un meeting organisé par l'UNEF, l'Union Nationale des Étudiants de France, et le PSU, Parti Socialiste Unifié, le parti présidé à l'époque par Michel Rocard, rassemblant 30 000 personnes, André Barjonnet déclare « Aujourd'hui, la révolution est possible, mais il faut faire vite, très vite. » 1980, Corée du Sud, le mouvement populaire du Gwangju est réprimé férocement. L'armée attaque la ville. 10 jours de combat feront 200 morts et 1100 blessés. 1981, Pologne. À la clôture du Festival de Cannes, la Palme d'Or est attribuée à Andrzej Wajda pour son film réalisé dans la foulée des accords de Gdańsk, L'homme de fer, symbole de l'ouvrier héroïque de l'été polonais. 1984, Uruguay. La journée nationale de protestation contre la dictature, organisée par le front d'opposition au régime militaire et suivie massivement par la population. Et la musique arrive, hein. Maria Callas ne chante pas très fort, mais rassurez-vous, sa vraie voix va arriver. Le 28 mai, ouais, ça tournait en marche de Verdi. Hein, parce que Maria Callas, décidément, ne chantait pas assez fort. Alors on attendra la chanson suivante. Parce que la Paris ne permet pas forcément de faire ce qu'on veut. Le 28 mai 1637, en France, 10 000 croquants prennent les villes d'Aimé et de Sauvetat dans le Périgord. 1637. Vous voyez, il y avait déjà des gens courageux autrefois, il y a longtemps. Ben oui, quand on est vraiment dans la misère, eh ben, on devient très courageux tout d'un coup. Eh ben oui. Bien obligé. Le dos au mur, on ne peut pas reculer. On ne peut qu'avancer. 1848, Guadeloupe. Suite à la libération des esclaves. Esclaves, vous rendez compte ? Des esclaves en Martinique. Le gouverneur signe l'acte d'émancipation pour les esclaves de l'île. Un arbre de la liberté existant encore aujourd'hui est planté à Basse-Terre. 1871, France. À Paris, fin de la semaine sanglante, les dernières barricades de la commune, rue du Faubourg du Temple et rue Rampolo tombent. Eugène Varlin, 1839-1871, membre de l'Internationale, est dénoncé, lynché et fusillé. Dénoncé, lynché, fusillé. Vous voyez, le courage n'est pas toujours respecté, n'est pas toujours bien récompensé. Hein ? Il restera une des figures les plus pures de l'ouvrier révolutionnaire et du communisme. Communisme anti-autoritaire. Le communisme anti-autoritaire. Ça nous embouche un coin, ça. Hein. Thiers assiste à une messe d'action de grâce à Saint-Louis. Il télégraphie au préfet « L'ordre, la justice, la civilisation ont enfin rapporté la victoire. La semaine sanglante est terminée. » Mais la répression légale commence. Quelques 50 000 arrestations, 4 000 exécutions, des milliers de déportations en Nouvelle-Calédonie. Mais la commune restera le symbole le plus vivant de la lutte de la classe ouvrière pour sa libération. J'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. 1895, Congo. Léopold II, roi des Belges, est déclaré roi du Congo. 1931, Espagne. Les pêcheurs de Pajagis sont en grève. La garde civile intervient, faisant 4 morts et de nombreux blessés. 1935, Espagne encore. Lors des événements d'Iveste, la garde civile tue 17 paysans. 1936, France. Le mouvement de grève du Front populaire atteint les 35 000 ouvriers de l'usine Renault et s'étend à toute la région parisienne. 1961, Grande-Bretagne. Fondation d'Amnesty International. Fondation d'Amnesty International en 1961, en Grande-Bretagne, qu'on se le dise. Dans l'Observeur de Londres, Ben Henson appelle à une campagne internationale pour l'amnistie des prisonniers politiques. Chaque groupe de sympathisants doit adopter 3 prisonniers et s'efforce d'obtenir leur libération. Le premier doit être un détenu du monde communiste, le second dans un pays occidental et le troisième dans un pays du tiers-monde. La date choisie est le dimanche de la Trinité, de façon à ce que cette fête religieuse prenne une nouvelle signification laïque. 1974, Espagne, journée de lutte à Barcelone, avec la participation de 25 entreprises groupant 8000 ouvriers. Les entrepreneurs continuent cependant à refuser de prendre en compte les revendications. Tiens, ça ressemble curieusement à la période actuelle, où M. Macron refuse de prendre en compte. Voilà, 1981, Maroc, le gouvernement décide l'augmentation effarante des denrées de première nécessité. Sucre, plus 12%. 112%, pardon, 112, oui. Huile, 107%, lait, 200%, beurre, 246%. Eh oui, voilà. Il fait pas bon être, faire partie des classes populaires. Thank you. qu'elle a trouvé sa voix, Maria Callas. Une des plus belles voix du monde qui ait jamais existé, quand même. Hein, ah oui, heureusement qu'on a les disques. 29 mai 1658, en France, début de la révolte des sabotiers. Dans l'Yonne, le Berry, la Sologne, le Perche, l'Anjou, le Poitou et le nord-est de la Normandie, la colère des paysans éclate contre les impôts excessifs. La guerre des hommes en sabots va se répandre comme une tache d'huile. 1830, il y avait des gens courageux en 1658 en France. 1830, France, naissance de Louise Michel. Ah, Louise Michel, faudra raconter sa vie, Louise Michel. Ça, voilà, c'est quelqu'un, c'était vraiment quelqu'un. 1912, Grande-Bretagne, grève de 100 000 dockers pour un salaire minimum unique. 1914, Grande-Bretagne, la grève des ouvriers du bâtiment dure depuis 20 semaines. Les entrepreneurs décident le lockout touchant 500 000 travailleurs. 1920, France, la lutte des cheminots aboutit à un échec. 18 000 d'entre eux sont renvoyés pendant leur logement, perdant leur logement et retrouvant difficilement du travail. Ah ben oui, bien sûr, hein, mettez-vous à leur place. Les patrons, il faut bien qu'ils se défendent aussi. Hein, ben oui, ils vont quand même pas donner tous leurs sous aux ouvriers. Ils n'en auraient plus, ou plus assez. Hein, ou en tout cas un peu moins. L'organisation syndicale en sort affaiblie. 1930, Vietnam, lors de la révolte paysanne de Cochinchine. La foule rassemblée à Ho Mon réclame la saisie du riz chez les riches propriétaires. Tiens. Certaines banderoles demandent le partage des terres pour les donner aux pauvres. Vous imaginez, ils ont quand même un sacré culot, les Vietnamiens, demander des choses pareilles. Hein? Ah oui, prendre des terres pour les donner aux pauvres. Oh oui, alors, on n'a qu'à faire ça en France, en Allemagne, ailleurs. Hein? Ah ben non. 1940, Mexique, des membres du Parti communiste américain et du GPU attaquent la villa de Trotsky. L'assaut est repoussé. Eh oui, Trotsky. Ah, c'est un gêneur, Trotsky. Eh oui. Bah, il combattait efficacement le nazisme, le fascisme, sous toutes ses formes. 1946, Allemagne. Le conseil de contrôle, siégeant à Berlin et légiférant pour les quatre zones occupées, recommande aux commandants respectifs de favoriser la création de syndicats professionnels sur une base démocratique. Syndicats professionnels sur une base démocratique. Chiche. 1961, USA. Un jour après les émeutes raciales à Montgomery, dans l'Alabama, le gouverneur décrète l'état de siège. De nombreux noirs sont blessés alors que des racistes de couleur blanche attaquent une église où le pasteur Martin Luther King voulait prêcher l'égalité des races. Rappelons qu'il n'y a qu'une race, hein. Noir, blanc, jaune, grand, petit, nous sommes tous la race humaine. Il y a une seule race. C'est les biologistes maintenant qui l'affirment. Donc il n'y a plus à discuter de ces choses-là. 1963, France. Les femmes de mineurs de fer de Lorraine montent à leur tour à Paris pour rencontrer les groupes politiques et les ministères. 1968, France, à Paris, grande manifestation organisée par la CGT et le PC pour un gouvernement populaire d'union démocratique avec participation communiste. 1973, France, 500 travailleurs de l'IP se rendent en car à Paris et manifestent devant l'ambassade de Suisse et le siège de l'IP, fermé pour réparation. Ah oui, bah oui. Ils accompagnent une délégation au ministère de l'économie et des finances. 25 quarts de garde mobile les attendent. 25 quarts de garde mobile. Combien ça peut coûter le déplacement de 25 quarts de garde mobile? Hein, le carburant, la paye des gens, les primes, etc. Ça doit faire quand même une belle addition. Hein. Faut vraiment que ça vaille le coup, hein, de faire des frais comme ça. On fait moins de frais pour courir après les voleurs. Hein. 1975, Portugal, évasion de 89 agents de l'ex-PID, PIDE, la police la police politique de l'ancienne dictature. En 1975, il y avait encore une dictature au Portugal. Ah bon, tiens donc. Ah oui, dictature, Portugal. Il y avait donc des fascistes là-bas. 1979, Nicaragua, offensive du Front Sandiniste de Libération Nationale, FSLN, contre la garde nationale au nord et au sud du pays. 1981, Argentine, l'Organisation latino-américaine des droits de l'homme, Justice et Paix, publie un communiqué dénonçant une série de manœuvres d'intimidation à l'encontre des militants des droits de l'homme. 1984, Haïti. certaines informations commencent à filtrer sur les graves émeutes de la faim et les brutalités policières qui ont ensanglanté la ville de Gonaïves entre le 21 et le 25 mai. 1984, Algérie, l'Assemblée populaire nationale adopte un nouveau code de la famille qui atténue l'inégalité entre les sexes, qui atténue seulement. Ah oui, on progresse en ce qui concerne les droits des hommes, les droits de l'homme et les droits des femmes, mais on ne progresse pas bien vite, hein, puis encore moins vite pour les droits des femmes que pour les droits des hommes. Eh oui, il va falloir donner un coup de pied un jour dans la fourmilière pour que les choses avancent, mais qu'elles avancent bien, comme en 1789 par exemple, ou en 1848, ou en 1945. Il y a eu des périodes comme ça où ça avançait vraiment. Petite revue de presse, parce que j'ai beaucoup je la ferai courte parce que j'ai beaucoup d'enregistrements à passer ce soir. Alors, un slogan, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Ça a été écrit par qui ? Ben, par Labo ici dans les années 1500-1550, par là. Hein ? Levons-nous. Une photo que je suis obligé de décrire, puisqu'on n'est pas à la télévision, mais à la radio. Alors, c'est une photo non létale utilisée par la police pour rétablir l'ordre. Hein. Et c'est, l'effet de cette grenade est montré par une chaussure à côté, une chaussure qui est complètement déchiquetée. Donc, la grenade non létale, elle est peut-être létale quand même. Ça dépend si elle tombe sur une chaussure ou sur un visage. Ils sont chiants, TF1, à mettre des films entre leurs pubs. Vosges pour la paix, pacifiste, internationaliste, humaniste. En 2018, avec le TIAN, il est possible d'interdire les armes atomiques. Ben voilà, il faut qu'on se bouge, qu'on se remue, et peut-être qu'on y arrivera. Bon, on n'a pas réussi à interdire les centrales nucléaires. Bon, et donc les armes atomiques, ben faut essayer, faut se battre, il n'y a pas 36 solutions. Macron, un an, ça suffit. Manifestation nationale le 13 mai 2018 à Paris. Voilà, il y avait du monde. Et tout le monde n'a pas pu y aller. Hein. Tout le monde n'a pas voulu et tout le monde n'a pas pu y aller. Tous ceux qui auraient eu envie d'y aller, ils n'y sont pas allés. Hein. Ben, on a tous nos occupations. Voilà, le mouvement de la paix de 1948 à 2018, 70 ans de lutte pour la paix. 70 ans. Et pour les résultats qu'on voit, c'est pas trop terrible. Il va falloir augmenter la pression, certainement. Hein. Augmenter la pression. Sinon, ben, on n'obtient rien si on ne met pas suffisamment de pression. Centre de développement de l'OCDE, cahier de politique économique numéro 13. Alors ça, je vous l'ai lu, morceau choisi. En effet, le programme de stabilisation a un caractère d'urgence et comporte nécessairement beaucoup de mesures impopulaires puisque l'on réduit brutalement les revenus et les consommations des ménages en diminuant les salaires des fonctionnaires, les subventions ou l'emploi dans le bâtiment. En revanche, les mesures d'ajustement structurelles peuvent être étalées sur de nombreuses années et chaque mesure fait en même temps des gagnants et des perdants. Voilà, alors c'est l'OCDE, c'est un truc, le document a été écrit à destination des décideurs, c'était pas destiné au grand public, hein, mais comme nous on est une radio populaire, Radio Guémozo, eh bien on vous lit des choses que normalement on ne devrait pas apprendre. Ces gens-là, les décideurs, ils savent ces choses-là, mais nous on ne doit pas les savoir. Eh bien oui, pour que l'effet de surprise puisse jouer quand même. Alors, mode de mobilisation, d'ordre de mobilisation et de solidarité avec les cheminots, avec les étudiants, avec les Carrefour, avec tous ceux qui luttent. Solidarité avec les cheminots, avec les étudiants, avec les enseignants, les hospitaliers, mobilisation. Hein ? Oui, voilà. Alors, Macron, chômage, misère. Le chômage, ça rapporte gros au gros. Pour éliminer le chômage, il faut éliminer les causes. Chômage, Mussolini, Franco, Hitler. Mussolini, Franco, Hitler, des fascistes sont arrivés au pouvoir à cause du chômage, grâce au chômage. Ceux qui fabriquent le chômage savent très bien qu'ils fabriquent en même temps le fascisme. Chômage des uns, richesse des autres. Pourquoi est-ce que les Daesh ne tapent jamais sur les gros, sur les riches ? Ça vous étonne pas, ça ? Hein, s'ils veulent avoir une certaine crédibilité auprès des foules laborieuses, eh bien, il faudrait peut-être qu'ils soient quand même le plus grand nombre dans le pays, hein, dans les pays. Eh bien, il faudrait qu'ils tapent sur les autres. Hein, comme ça, on verrait que... Ben, oui, on verrait, on cherchera à comprendre. Bon. Année sans chômage, année sans Macron. Le chômage coûte cher à tous les petits, le chômage rapporte beaucoup aux gros. Le chômage en 1932, c'est Hitler au pouvoir en 1933. Toujours le fascisme à la porte du chômage. Toujours. Les fachos, les petits fachos, les moyens fachos, les gros fachos, ceux qui regardent droit et ceux qui regardent de travers, eh bien, les fachos, ils sont toujours pas loin du chômage. Quand il y a du chômage, ben, il y a des fachos qu'on met en place et qu'on finit par mettre au pouvoir un jour. Voilà. Alors, Amnesty International, tiens, un truc un peu ancien déjà, mais au Chili, le tribunal constitutionnel du Chili a statué en faveur de la dépénalisation de l'avortement dans trois cas de figure précis. Il s'agit d'une étape cruciale pour garantir la protection des droits humains des femmes et des jeunes filles dans le pays. Le Chili était l'un des rares pays au monde où l'avortement était totalement interdit. Aujourd'hui, seuls 7 pays pénalisent l'avortement sans exception. Ils ont mis un S. Bon, s'il n'y a pas d'exception, il faut peut-être pas de S. Dont 6 en Amérique, la République Dominicaine, Haïti, le Honduras, le Salvador, le Nicaragua et le Suriname. Voilà, Amnesty International est toujours sur le pont. Alors peut-être que prochainement, Lou fera une émission sur Amnesty International. Voilà, c'est ce que je vous souhaite parce que c'est une organisation qui est une action très intéressante, elle est très utile, très bienfaisante. Hein. Je me rappelle de l'époque où on avait libéré, à l'époque où il y avait encore l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, on a aidé à la libération de Armin Ginke et à son passage à l'Ouest, qui était à l'époque le symbole de la liberté. Hein. Le passage de l'Est à l'Ouest, c'était de la dictature à la République, à la démocratie. Bon, depuis on a vu que c'était pas tout à fait aussi simple que ça, hein. Bien sûr. Tué par un obus acheté au vide-grenier. Un meurtrier mosellan est décédé dimanche matin après avoir manipulé des obus achetés lors d'un vide-grenier un peu plus tôt. L'homme qui a vendu les engins a été interpellé. Blainville, Dame-le-Vière est sous le choc. Ben, y a de quoi. Conte di ciao. L'Italie replonge dans la crise. Nouveau coup de théâtre à Rome. Hier soir, Giuseppe Conte a renoncé à devenir le chef du gouvernement face au refus du président de la République de nommer son ministre des Finances notoirement eurosceptique. Il était peut-être seulement notoirement eurosceptique. Il n'est peut-être pas fasciste. Hein, mais bon, voilà, eurosceptique, ça suffit. Eh oui. C'est dommage, ils auraient eu un gouvernement, les Italiens. Bon, est-ce que ça aurait été un bon gouvernement, un mauvais gouvernement ? Ça, alors là, je ne sais pas. Hein. Nous avons le trouillomètre à zéro, théâtre, la garçonnière, 20h55 sur France 2. Un portrait, alors juste à côté, ça n'a rien à voir. Hein. Ce sont des articles qui sont mis en place l'un à côté de l'autre pour un problème de mise en page. Il ne faut pas y voir autre chose. People, P-E-O-P-L-E, je pense que c'est comme ça que l'on prononce ce néologisme français. People, un portrait de Brigitte Macron sur France 3. Qui se cache derrière la frange blonde et le sourire éclatant de l'épouse du président de la République ? Une femme cultivée, attentive aux autres, qui sait leur donner confiance. C'est ce qu'on découvrira le 13 juin sur France 3, dans le portrait Brigitte Macron, une femme de roman. Oui, de roman. Ouais, mais ces gens-là, ils font beaucoup de misère, beaucoup de chômage. Alors, voilà. Ex libris, ces trésors cachés. Chaque mois, le jeudi à 17h ou le samedi à 10h30, la bibliothèque multimédia intercommunale de Épinal sort son riche patrimoine de ses réserves. Ah, il y a toute une bibliothèque de l'abbaye de Moyen-Moutier, qui est alors des beaux meubles hein, d'époque, qui sont remplis de livres d'époque aussi. Et ouais. Ben ça vaut la peine. Bon, ce qui vaudra le plus la peine, ce serait d'avoir le temps de les lire. Mais alors, il y en a pour un sacré bout de temps. Hein. Donc, Almé, il aimait bien la lecture. Le service cardiologie de l'hôpital en émoi, à Remiremont. Les membres de la communauté médicale de l'hôpital de Remiremont ont massivement démissionné de leurs fonctions. Ils reprochent le manque d'anticipation dans l'organisation des soins de cardiologie. Eh bien oui, depuis le temps qu'on essaie de monter le personnel de l'hôpital de Remiremont contre celui d'Épinal, vice-versa, eh bien, fallait s'attendre à ce qu'il y ait des tentatives de fermeture de services. Hein, puis, c'est peut-être pas que des tentatives, ça dépend. Ça dépend si les usagers... Si les patients, si le personnel se rebiffe suffisamment, les choses en resteront là. Sinon, si on laisse faire, eh ben voilà, on sera puni. Eh ben oui, on sera puni de ne pas avoir bougé à temps. 9110 projets de recrutement en 2018 dans les Vosges, la 17e vague de l'enquête annuelle sur les besoins en main-d'œuvre menée par Pôle emploi, met en évidence une forte croissance des intentions d'embauche pour 2018. Eh oui. Il y a des intentions d'embauche, mais bon, de là à passer à l'embauche et à embauche en contrat, en CDI à durée indéterminée, il y a tout un pas. Ah oui, parce que le chômage, ils en ont besoin pour payer moins les gens, pour pouvoir les mettre à la porte quand ils veulent et leur faire subir des conditions de travail souvent assez dégradantes. Comment l'Europe protégera vos données personnelles ? Garantir aux données personnelles un niveau de sécurité élevé pour chaque citoyen, se passer du marché européen ou risquer des amendes records, l'Union européenne impose ces conditions aux entreprises numériques du monde entier. Oui, entreprises du monde entier, surtout des américaines. Hein. Bah oui, c'est eux qui ont pris le départ avec le, vous rappelez, l'Apple II. Premier ordinateur, on pourrait dire, digne de ce nom, hein, l'Apple II. Avec ça, avec l'Apple II, on se faisait plaisir. Hein. Et oui, puis après, ça s'est perfectionné. Ça n'a fait que croître et embellir hein, l'informatique individuelle, personnelle, familiale. Trump annule son sommet historique avec Kim Jong-un. Bon, on n'est pas étonné, hein. Maintenant, on voit, ils ont mis une photo, là, ils sont malicieux parfois les journalistes, hein. Le vendredi 25 mai 2018, ils ont mis Kim Jong-un, qui a un très beau sourire, très, très avenant, très, très aimable, correct, sympa. Et puis à côté, il y a Trump qui fait la tronche, hein. Il n'est pas sympa, il a l'air méchant, vilain. Hein. Le combat de la famille Vaxelaire, mis définitivement hors de cause par la justice en juin 2016, Guy Vaxelaire accusé par ses deux filles de viol, etc., faux souvenirs et la manipulation mentale, il témoigne avec son épouse. 2256, c'est le nombre de jours d'attente pour Guy Vaxelaire et Louise, sa femme, avant d'être blanchis par la justice. Alors je disais l'autre fois à propos des lanceurs d'alerte, que puis d'autres choses, que un des problèmes avec la justice, une des premières injustices, c'est la lenteur de la justice. La lenteur, c'est déjà un moyen de broyer les gens, hein, d'avilir, enfin bref. Voilà, encore des imbéciles qui ont raconté des âneries, et il y a eu des couillons pour les croire, pour les écouter. Celui qui écoute une médisance, il est aussi indigne que celui qui la raconte, ou celle. Parce que quelquefois, c'est les femmes qui disent des bêtises. Alors, ça arrive. Mai 68 a bâti un capitalisme encore plus oppressant. Alors, dans son essai Mai 68, l'arnaque du siècle, édité chez Albin Michel, l'écrivain corésien d'une itinérance et d'une sévérité impitoyable avec les meneurs de la révolte étudiante et les estime responsables des malaises actuels de la société. Ah, tiens, c'est les jeunes qui ont fait mai 68 qui sont responsables des 6 millions de chômeurs qu'il y a actuellement en France. Hein ? Ah oui, ça doit être eux aussi qui sont responsables, vraisemblablement, des accidents du travail, des maladies professionnelles, etc., etc. Le défilé des gauches défie Macron. Mais après, ben on verra bien après. On verra bien. Ce n'est qu'un début, continuons le combat, disait en 68 Alors, ici, Emmanuel Garnier, écrit un directeur du CNRS de Besançon, originaire du Thiot, a écrit un livre « Si on oublie l'histoire, on est condamné à la revivre ». C'est quelque chose que De Gaulle avait déjà dit en 1932, je crois. « Si on oublie l'histoire, on est condamné à la revivre ». Voilà. Les éboueurs volent les camions aux poubelles pour manifester. Oh, ils l'ont pas volé, ils l'ont emprunté le temps de faire une manifestation avec, parce qu'ils voulaient aller, paraît-il, vider des poubelles sur les marches de l'escalier de je ne sais plus qui, enfin une haute personnalité, hein, pour lui montrer que bah oui, qu'ils le considèrent un petit peu comme pas grand-chose. Homéopathie vers la fin des remboursements, ça faudrait étudier ça de façon scientifique. Scientifique, parce qu'il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, et puis personne n'est capable de dire... Enfin, s'il y a des gens qui ont testé, et puis qui ont cru que ça faisait de l'effet. Hein, effet placebo, sans doute. Oui, mais il faudrait le prouver. Des espions français à la solde de Pékin. Deux ex-agents secrets français ont été arrêtés et placés en détention, soupçonnés d'avoir été retournés par les services secrets chinois. Moi, ça me ferait rire un petit peu, mais bon, c'est grave quand même. Hein. Oui, oui, oui. Oh ben, ma foi, et nul n'est à l'abri d'un moment de faiblesse. Hein, ben oui, les agents secrets sont formés pour ne pas se laisser influencer, mais quand même, hein, il y a des moyens de les influencer. Il y a beaucoup de moyens. Hein, tous les services secrets connaissent les moyens de retourner un agent adverse. Ben oui, un agent étranger, sans les adverses. Voilà, eh bien, je vous propose un petit peu de musique. Hein. Ah oui. C'est Frédéric Dion de nous expliquer ça. Alors, ça vient d'où ce mot? Je vais commencer par le mot en lui-même et oui. Puis la chose, bah, vous verrez que c'est effectivement aussi en Italie que ça se passe, avant de devenir une notion générale. Donc pour ce qui est tout d'abord du mot, regardez ces images, ça vient du mot faisceau. Un faisceau étant un ensemble de bâtons qui sont accrochés ensemble, comme vous voyez sur cette carte postale italienne de l'époque, avec en plus une hache. C'est un symbole utilisé souvent en héraldique, c'est le symbole de l'emblème du parti fasciste de Mussolini. Vous voyez ici avec les couleurs italiennes, vert, blanc, rouge, c'est ce qu'il y a au milieu. C'est un symbole souvent utilisé dans les blasons. Et oui, et il s'inspire de ce qui a été utilisé par les Romains. Exactement, parce que c'est le faisceau de Lictor, c'est un symbole romain qu'on retrouve ici dans le blason français. Donc, oui, c'est pas aussi seulement dans les dictatures, bien sûr. Le retrouve dans beaucoup de blasons, parce que ça symbolise la capacité de punir, c'est des bâtons, donc, vous voyez, la punition, c'est-à-dire le pouvoir politique, alors qui peut être exercé de manière démocratique ou pas, évidemment. Et dans le cas de l'Italie fasciste, c'était plutôt pas démocratique. Ce qui m'amène à l'Italie des années 1920, on est après la Première Guerre, il y a beaucoup de mécontentement parce que l'Italie, bien qu'elle soit parmi les vainqueurs, n'a pas gagné beaucoup de territoires comme elle l'espérait. En plus, il y a une crise économique, donc les Italiens sont très mécontents. Regardez, le peuple gronde, il y a des révoltes. Et du coup, les fascistes de Mussolini, organisation paramilitaire qu'on appelle aussi les chemises noires, c'est une organisation qui va prendre le pouvoir. C'est un peu comme un parti politique, mais par la force, ils vont marcher sur Rome en 1922. Ils menacent le gouvernement et en plus, ils disent avec nous, ce sera l'ordre, on va mater les grèves dans les usines, on va rétablir un pouvoir fort. le roi d'Italie cède et il nomme Mussolini Premier ministre. Alors là, la démocratie, c'est fini. Il n'y aura plus d'élections. Le parti fasciste contrôlera tout. L'ensemble de la société italienne va devenir une organisation paramilitaire. Même les organisations de jeunesse, vous voyez, comme ici l'organisation des jeunes filles, tout va être régi par des organisations paramilitaires. Le style même architectural de l'État va être un style qui est censé écraser l'individu. Il faut que ce soit un style très impressionnant, très dur, qui impose l'autorité, comme vous le voyez ici sur ces bâtiments de l'époque. Donc les caractéristiques du fascisme, c'est ça. Organisation autoritaire, tout le monde devant aveuglément obéir à un chef qui a tous les pouvoirs, le duce, le guide. Les opposants sont molestés, voire assassinés. Tout le monde est en rang comme dans une armée. Et le chef décide de tout dans tous les secteurs de la société. Alors vous allez me dire, ça c'est un peu toutes les dictatures. Mais il y a une différence, par exemple, avec les dictatures communistes à la même époque, il y a Staline en URSS. C'est que les fascistes, eux, respectent la propriété privée. Ils respectent les usines, les industries, etc. Tandis que les communistes, eux, ils nationalisent, ils collectivisent. Et puis aussi, les fascistes se fichent complètement de respecter une espèce de semblant de démocratie avec des soviets, le peuple, etc. Ils disent non, nous, c'est le chef, pointe à la ligne. Donc c'est, voilà, les caractéristiques du fascisme. Le fascisme italien qui va faire des émules, hélas, d'abord en Allemagne, on va voir en 1933 Hitler et Mussolini qui se rencontrent puisqu'ils étaient alliés, les voici ensemble. Alors les nazis vont rajouter le côté racial antisémite, hein. C'est-à-dire que ça n'existe pas au départ dans le fascisme italien, ça c'est vraiment une création des nazis avec Hitler qu'on voit ici à l'image. Autre régime proche, c'est en Espagne, Franco que vous voyez ici au milieu, qui est à côté de Mussolini. Il se réclamait du fascisme et les uns et les autres. Voilà, alors là la caractéristique en Espagne, c'est le côté religieux. C'est-à-dire que le Franco, c'est vraiment un régime très catholique. Donc à chaque fois, il y a des petites variations, mais tout ça, c'est, il y a des constantes. Hein, tout le monde rangé derrière le chef qui décide de tout et qui décide de la totalité de votre vie, même le travail, le logement, les loisirs. Vous n'avez plus de vie privée. Et c'est pour ça qu'on parle, par exemple, d'islamo-fascisme avec Daesh. Pourquoi ? Parce que c'est pareil, chef tout-puissant, ordre qui régisse toute votre vie, comment vous devez vous habiller, ce que vous devez faire dans votre intimité, etc. Ce que vous devez penser, ben. Voilà ce que vous devez penser. Donc le fascisme, voilà les caractéristiques. Et parfois, on s'envoie ce mot un peu à tort et à travers comme une insulte, mais voilà ce que c'est la réalité. Ce que ça recouvre au début. Si vous voulez en savoir plus sur la marche sur Rome, regardez, regardez le guépard de Luchino Visconti, les questions de ça avec le jeune Alain. Il y a une affaire Pétain, vous le savez bien, a été condamné en 1945. Il y a des gens aujourd'hui qui considèrent que cette condamnation est injuste et qui voudraient obtenir sa réhabilitation. Si on pense à l'affaire Dreyfus, c'est exactement le contraire, hein. L'affaire Dreyfus, c'était un innocent qu'on avait déclaré coupable. Aujourd'hui, c'est un coupable qu'on veut faire passer pour innocent. Il y a un très gros mouvement qui se développe avec Maître Izorni, qui est un homme du rétrospectable, qui a pris l'initiative de ce grand mouvement. Et puis il y a surtout quelqu'un qui s'appelle Henri Amouroux, qui travaille bien, qui est un de mes anciens élèves de Bordeaux, qui a un peu évolué par rapport à ce qu'il était lorsqu'il était mon étudiant, et qui a fait à la radio française toute une série pour expliquer qui était Pétain, et qui écrit un livre en 8 volumes, je crois, il y en a déjà 4 qui sont parus, Les Français sous l'occupation, c'est très très bien fait. Seulement la grande idée de mon ami Henri Mouraud, c'est ceci, on se trompe sur le maréchal Pétain, on a raconté que c'était un vilain bonhomme. En réalité, oui, il avale de son mauvais génie. Mais lui, le maréchal Pétain, c'était un très brave homme, qui n'avait jamais fait de politique, et qui par sensibilité, c'est le mot d'amour, par sensibilité, quand il a vu l'état où était la France en juin 1940, avec ce désastre, avec cette espèce de liquidation de la France, a fait don de sa personne à la France pour tenter d'obtenir d'Hitler, par son prestige personnel, un peu moins de rigueur à l'égard de la France. Voilà le thème. À mon avis, c'est radicalement faux. Je vais essayer de prouver, preuve sur preuve, hein, avec document sur document, que le maréchal Pétain est un homme qui, depuis 1934 au moins, et surtout à partir du Front Populaire 1936, est quelqu'un qui avait résolu de modifier profondément la politique intérieure française. Quelqu'un qui détestait la République, qui était convaincu loyalement que la République était le malheur de la France, qui détestait tout ce qui pouvait ressembler à du socialisme, et qui s'était dit, il faut absolument changer la politique intérieure française, au besoin même, en passant par un désastre. Dire une chose pareille, ça paraît scandaleux, quoi. Le maréchal Pétain qui souhaitait un désastre, mais vous savez, c'est pas la première fois. Dans l'histoire française, il y a eu en 1870 quelque chose d'assez semblable, qui s'appelait aussi un maréchal, c'était le maréchal Bazaine, et qui carrément avait misé sur un désastre national. Bon alors, allons-y. Ce que je vais vous dire est heurtant, scandalisera pas mal de gens, mais j'ai la conviction, hein, la conviction absolue, que quand les passions sont retombées, mettons 50 ans, 100 ans, ce que je viens de vous dire, ce sera l'histoire historique, ce sera admis. Alors pour piger l'affaire, il faut qu'on monte assez loin, pas au déluge tout de même, mais en 1875. Pourquoi 75? Parce que c'est en 1875 que la France est devenue une république, officiellement une république. Cette histoire-là a l'air du reste d'un paradoxe. Qui est la chambre, quelle assemblée qui a décidé la république? C'est l'assemblée qui avait été élue le 8 février 1871, 71, et cette assemblée était en énorme majorité royaliste. Il y avait 750 députés, il y en avait 600 qui étaient des royalistes. J'entends bien qu'ils ne s'entendaient pas eux-mêmes très bien. Il y avait les royalistes légitimistes, les royalistes orléanistes. Enfin, ils étaient royalistes, quoi. Alors, comment se fait-il que ce soit cette chambre royaliste qui décide, en janvier 75, à une voix de majorité, hein, que le régime sera la République? Là, je vais vous expliquer. Tout vient d'un homme extrêmement astucieux, que j'aime pas, mais dont je salue l'intelligence, qui s'appelait Monsieur Thiers. Monsieur Thiers est très connu, vous savez, par la répression de la Commune, mais c'était un homme astucieux, et voici le raisonnement qu'il faisait. Il disait à ses amis de la Chambre, sa mère royaliste, moi aussi j'ai été royaliste pendant longtemps, puisqu'il avait même été ministre Louis-Philippe. Et je vivais, disait-il, sur l'idée simpliste que la monarchie est le système le plus confortable, le plus sérieux pour garantir les choses importantes. Les choses importantes pour lui, c'était la sécurité des fortunes, que les nantis ne soient pas troublés, que les pauvres continuent à rester pauvres et que les riches puissent s'enrichir avec le travail des autres. Alors il avait dit, j'avais cru que c'était le système monarchique, puis je me suis aperçu que ce n'était pas vrai. Parce que dans le système monarchique, en principe, je dis bien en principe, hein, c'est un homme qui dirige tout, la volonté d'un seul. Il a autour de lui des sujets. Mais ces sujets décident brusquement d'être plus des sujets, mais des citoyens. Ils se révoltent. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est que la volonté du roi est brisée. Ça s'est vu en 1789, ça s'est revu en 92, ça s'est revu en 1848. Ça vient de se revoir, disait-il, en 70, lorsque les Parisiens ont proclamé la République. Alors j'ai donc été, disait-il, effrayé par l'idée républicaine, et puis j'ai réfléchi à ceci, et il expliquait ça, vous savez, jour par jour à ses amis de la Chambre. Qu'est-ce que c'est que la République? C'est la démocratie. Qu'est-ce que c'est la démocratie? Suffrage universel, volonté nationale, comme on dit. Mais qu'est-ce que c'est pratiquement la volonté nationale? C'est la majorité des citoyens. Il suffit qu'il y ait la moitié pour un, plus un, et ça s'appelle majorité. Alors si cette majorité décide que le régime sera tel, ce régime devra être accepté par tout le monde comme étant le régime de la volonté nationale. Or, disait M. Thiers, est-ce que vous avez remarqué, toutes les fois qu'on a fait appel au suffrage universel, vous remarquez ce qui s'est passé? Il remontait même assez loin. Je ne sais pas s'il le faisait, mais il aurait dû le faire en tout cas. Il aurait pensé, dû repenser à 1792, quand pour la première fois il y a eu la République en France et qu'on avait voté les gens. Cette France de 92 était composée à, je ne sais pas moi, 98% de pauvres gens. 750 députés à la Convention. Mais savez-vous combien il y avait de représentants du peuple, enfin de pauvres gens, à cette convention de 750 députés? Il y en avait deux, vous entendez, il y en avait deux. Deux prolétaires. Il y avait un Noël Pointe qui était un ouvrier armurier de Saint-Étienne, il y avait un quart d'heure de laine de Reims qui s'appelait Hermonville. Tout le reste, hein, tous les gens qui composaient la convention, c'était notable. C'était des gens assis, importants, des riches, quoi. En 1848, en avril 48, que de nouveau suffrage universel, on fait voter ces gens qui continuent à être en immense majorité des pauvres. Qu'est-ce qu'ils envoient? Ils envoient une chambre formidable, l'Assemblée nationale, qui sera prodigieusement réactionnaire et qui va essayer de détruire la République. Et troisièmement, disait M. Thiers, qu'est-ce qui vient de se passer de nouveau le 8 février 71 pour élire la chambre dont nous faisons partie? C'est la même chose. Cette France, en immense majorité composée de pauvres gens, délègue qui? Délègue des riches, délègue des notables. Parce que d'abord, la paysannerie est à ce moment-là de 85% à peu près des Français. Des quantités de paysans sont analphabètes, ils votent donc comme on leur dit de voter. Alors dans chaque coin de France, dans chaque district, dans chaque commune, les pauvres gens votent au vote poussés par les notables, c'est-à-dire par le médecin, par le notaire, par le curé, par le châtelain. Si bien que c'est formidable, ils étaient, vous vous rendez compte? Ce sont les pauvres eux-mêmes qui nous délèguent, nous les possédants, nous les notables, nous les riches, pour décider de la politique. Et nous sommes armés d'une puissance extraordinaire puisque nous représentons, paraît-il, la volonté nationale. Alors comprenez, camarades, il disait, messieurs, vous comprenez à quel point c'est avantageux d'avoir la République. On aura une République conservatrice, et avec elle toute la puissance de la volonté nationale. Et on va constituer quelque chose qui s'appellera le centre-gauche. En réalité, ce sont tous les grands affairistes de la Chambre, ils sont là. Hein. Tous ceux qui représentent des grosses puissances. Lui, M. Thiers, c'est le PDG des mines d'Anzin. Il y a le représentant des chemins de fer du Nord, c'était Rothschild. Il y a le représentant de la sidérurgie, ce sont des gens de l'Est. Et bien ça, ça va constituer le centre-gauche. Pourquoi gauche? Justement, pour faire républicain. Et à ce moment-là, le clivage, ça a duré très longtemps, vous savez. Le clivage entre droite et gauche en France, c'était la religion. Alors on va se décider, se donner, s'affirmer comme des anticléricaux. Et je reconnais qu'il y avait bien besoin de faire de l'anticléricalisme. Donc, en janvier 75, à une voix de majorité, ça s'appellera l'amendement Vallon, la République est proclamée en France. Ça va bien au départ. En 79, il y a quelque chose d'embêtant, c'est qu'on avait pensé qu'à cause de la répression de la Commune, les idées socialistes étaient écrasées. Et voilà qu'en 79, le marxisme reparaît en France, avec un ami Jules Guesde. Ça, c'est ennuyeux, il faut trouver un moyen de contrebattre cette influence délétère. Alors, ça va être l'intervention de Jules Ferry. Quand on dit le nom Jules Ferry aux Français d'aujourd'hui, ils pensent école laïque, et c'est vrai. Jules Ferry, en effet, a établi des choses que je trouvais indispensables, à savoir l'enseignement primaire, obligatoire, il faut que tous les enfants aillent à l'école, hein, qu'il soit gratuit, c'est donc excellent, et qu'il soit neutre. Pourquoi neutre? Bah, jusqu'alors, on infligeait aux enfants, à tous les enfants, une culture catholique, alors qu'il y avait l'ensemble, beaucoup de gens qui disaient, non, on ne veut pas que nos enfants soient élevés dans la religion catholique. Alors il était indispensable que l'enseignement fût neutre. Bon, tout ça, en apparence, est parfait. Mais il faut comprendre l'arrière-pensée de M. Jules Ferry. En 1850, on avait déjà fait une loi d'enseignement, ça s'appelait la loi Fallou. Cette loi Fallou avait mis pratiquement l'enseignement total de la France sous le contrôle du clergé. Parce qu'à ce moment-là, l'Église était très écoutée, et que même les plus violents athées, comme M. Thiers, disaient c'est excellent que les curés aient l'âme des enfants en leurs mains, parce qu'on va demander aux prêtres d'enseigner avant tout aux petits pauvres le respect des hiérarchies sociales, hein, la résignation. Alors c'est amusant de penser que les pires athées, Victor Hugo disait, ce sont les athées de la nuance catholique, qui sont tout à fait méprisants à l'égard du christianisme, disent c'est excellent qu'il y ait encore des imbéciles qui y croient, et ça avait marché pendant un certain nombre d'années. Mais ça c'est 1850. Hein. Entre 1850 et 1879, où nous sommes, au moment de Jules Ferry, les gens ont cessé très largement d'y croire. Hein. Il y a une déchristianisation énorme en France. Alors on ne peut plus compter sur les curés pour se faire obéir. C'est pourquoi il va inventer, Jules Ferry, un nouveau corps d'instituteurs. Et ces instituteurs vont avoir pour mission précise, il y a toutes sortes de circulaires là-dessus, de faire la même chose que les curés en 50, c'est-à-dire votre premier devoir, c'est d'apprendre aux petits pauvres le respect des hiérarchies sociales. On ne dira pas le mot résignation parce qu'il fait un peu clérical, mais l'obéissance aux notables. C'est ça l'histoire Jules Ferry. On pourrait dire que ce Jules Ferry, c'est un Fallou laïque. Bon, alors ça marche bien, c'est très bien. Et toutes les élections suivantes sont parfaites. 1899, voilà un ennui, c'est l'affaire Dreyfus, une affaire passionnelle. On voit beaucoup d'étudiants à Paris qui se deviennent très républicains, très à gauche. On voit une partie même de l'opinion ouvrière qui manifeste en juin 99. Pour la première fois en France, on voit une manifestation où ouvriers et intellectuels sont ensemble. On ne reverra plus guère ça avant mai 68. Hein. Très effrayant, ça va très mal. Alors on va constituer une politique de défense, on appellera ça la défense républicaine. C'est un nommé Waldeck Rousseau qui va prendre le pouvoir. Je l'ai pris longtemps pour un radical, mais non, c'est un homme du centre-gauche, Waldeck Rousseau. Il prend le pouvoir, il annonce une défense républicaine qui sera naturellement très anticléricale, et il le fallait, parce que la plupart, 95% des catholiques dans l'affaire Dreyfus avaient été contre Dreyfus, c'est-à-dire contre la vérité. Alors on va faire une violente politique anticléricale, excellente en soi, mais de nouveau une politique alibi. Car pour M. Waldeck Rousseau, ce qui est très important, c'est de diriger l'effort ouvrier dans une direction qui ne soit pas dangereuse. On leur fait manger du curé plutôt que faire manger du banquier, parce que c'est beaucoup plus facile. Alors de nouveau, vous avez l'alibi anticlérical. L'élection suivante, 1902, 1906, 1910, tout ça est parfait, ça marche très bien. On a constamment une majorité centre-gauche. 1914, ça va beaucoup moins bien. En mai 1914, pour la première fois, les socialistes sont 103 à la Chambre. Il n'avait pas cessé de croître, mais brusquement, entre 1910 et 1914, 103 députés socialistes, l'alliance socialiste et radicale donne une majorité de gauche, c'est une chambre ingouvernable, ça va être terrible ça. Surtout que socialistes et radicaux ont décidé qu'ils allaient voter l'impôt sur le revenu. Vous savez, aujourd'hui, on n'est pas très effrayé par l'impôt sur le revenu, du reste habituel, puis on sait même, je peux dire ça en souriant, parce que c'est vrai que quand on a suffisamment d'argent, on peut s'arranger pour ne pas payer l'impôt sur le revenu. Mais vous n'imaginez pas, en 1914, ce que c'était que l'impôt sur le revenu, hein, c'était quelque chose comme un épouvantail. Alors, pour empêcher de passer l'impôt sur le revenu, on fait appel à un nommé Poincaré. M. Poincaré est devenu très célèbre, président de la République, c'est le Lorrain, vous savez, c'est l'homme de la Lorraine. Mais il faut savoir qu'ils ont fait appel à lui en 1912, parce qu'on sentait que les élections allaient mal tourner, c'est parce que En 1895, ce monsieur Poincaré s'était manifesté au premier rang de l'opposition quand un ministère qui s'appelait Léon Bourgeois et qui était beaucoup plus bourgeois radical, suite à Léon Bourgeois, en 1995, avait osé pour la première fois mettre dans son programme l'impôt sur le revenu. Alors il avait vu surgir cet inconnu, Poincaré, qui ne s'était pas contenté d'une ou deux manifestations, mais si je ne me trompe pas, cinq discours à la Chambre, avec un extrême emportement contre l'impôt sur le revenu, où il disait c'est l'Inquisition, c'est le viol du secret des fortunes, nous n'en voulons pas. Bon, alors 1914, hein, ça devient très dangereux, on fait appel à Poincaré, parce qu'à ce moment-là, la guerre menace, c'est parfaitement vrai. Je viens de vous le dire, Poincaré, il parle duc dans le Lorrain, comme on pense à la revanche, comme on pense à la reconquête de la Lorraine, on va mettre en avant ce tricolore Poincaré, alors qu'en réalité, s'il est là, c'est surtout pour empêcher de passer l'impôt sur le revenu. 7 juillet 1914, hein, vous savez que la guerre c'est en août, hein. 7 juillet 1914, la Chambre vote l'impôt sur le revenu. Ça, c'est très dramatique. Mais heureusement, je dis heureusement avec cynisme, la guerre va éclater. Et si je dis heureusement, c'est que je m'appuie sur les paroles imprudentes d'un général trop bavard, il y en a comme ça, un général Rebillot, qui était à la retraite, et qui, dans ce journal d'extrême droite, La Libre Parole, dirigé par l'antisémite Drumont, le 13 décembre 1914, va écrire ce qu'il n'aurait jamais dû écrire parce qu'il était beaucoup trop nu, presque obscène. Il va dire, général Rebillot, au printemps, la situation était perdue. Ça veut dire pour les honnêtes gens, enfin pour les gens de bien. Et on n'est pas un genre de bien si on n'a pas du bien. Alors la situation était perdue au printemps 1914. Par bonheur, écrit-il, la Providence, qu'est-ce qu'elle vient faire là? La Providence va inspirer à Guillaume II l'idée de nous attaquer. Ça veut dire, c'est la guerre. Et quand c'est la guerre, on ne parle plus de ces petits problèmes misérables de finances ou de politique. On parle de défense nationale. Plus question de l'impôt sur le revenu. Et effectivement, il avait bien été voté, mais il ne sera appliqué très faiblement qu'en 1916, et il y a même des gens qui ont l'intention de le détruire lorsque la guerre sera gagnée. Par conséquent, la guerre a sauvé la... À chaque coin de rue, le travailleur surpris, sur l'affiche se rue, des candidats de Paris. On voit beaucoup de promesses, écrites sur le papier, mais le peuple ne vit pas de messe, alors ça le fait crier. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette flotte et de Constance sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Le gros ventru en Grèce, le suffrage universel, vient vous battre la grosse caisse, comme Monsieur Géraudel. Il vous promet tout rose, mais quand il est élu, ça n'est plus la même chose, il vous tourne le cul. Certains énergumènes, débitants de discours, vous redisent les rengaines qu'on entend tous les jours. Moi je suis un homme intègre, moi je suis un érudit, mon copain est un pègre, mais le populo leur dit. Gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette flotte et le Constance sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Même des socialistes, membres de comités, soutiennent les fumistes qui se portent députés. Y a pas à s'y méprendre, qu'ils soient rouges, bleus ou blancs. Il vaudrait mieux les pendre que leur foutre 25 francs. Tu leur fais des ripailles, toi peuple souverain. Et lorsque tu travailles, à peine as-tu du pain. Ne sois non plus si bête, au lieu d'aller voter, casse-leur la margoulette, puis tu pourras chanter. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette flotte et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. De toute cette histoire, voici la conclusion. L'électeur, c'est notoire, n'a pas toute sa raison. Je n'aime pas le fataliste, je n'ai ni foi ni loi. Je suis abstentionniste, ami, voici pourquoi. Gouvernement de Ferry est un système pourri. Ce Floch et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques.

et notamment des femmes et des veuves de guerre. Il se fait photographier avec elles. Il était aimé, il était vénéré, à la fois dans l'aristocratie italienne, dans le prolétariat italien. Il sait leur parler, leur parler avec des mots simples. Les Italiens écrivent à Mussolini, et non seulement ils écrivent à Mussolini, mais ils lui envoient des poèmes et parfois même des déclarations d'amour. Mussolini a belle allure, mais sous ce charme se cache un politicien calculateur qui gouverne par la force. Pas étonnant qu'Hitler l'admire. Mussolini a pris le pouvoir en 1922, grâce en partie aux tristement célèbres chemises noires. Une fois au pouvoir, il se donne le titre de « Il Duce », le chef, et il se comporte comme un empereur romain. Les empereurs bâtissent des empires. Mussolini entreprend donc la conquête de l'Éthiopie. La campagne d'Éthiopie, c'est une formidable opportunité de propagande pour Mussolini. Elle lui permet de montrer que les Italiens sont un peuple conquérant, un peuple supérieur. Elle lui permet personnellement de se montrer en grand chef de guerre, capable de conquérir une nouvelle colonie et donc d'être un vrai stratège pour son peuple. Avec leurs armes primitives, les Éthiopiens n'ont aucune chance contre l'armée de Mussolini. Une armée moderne qui utilise illégalement des gaz toxiques. Le monde entier dénonce cette agression. On impose des sanctions contre l'Italie. Mussolini a bien besoin d'un allié. Et qui est le seul à approuver ce que fait Mussolini? Adolf Hitler. Il va même jusqu'à lui apporter son soutien. Hitler va se rapprocher de Mussolini devant la crise éthiopienne. Il va lui apporter une aide économique et surtout, il va se mettre de ce côté en diplomatie, car les deux pays sont les ennemis, les adversaires des démocraties. Mussolini et Hitler sont désormais amis et complices. Heinrich Hoffmann, le photographe d'Hitler, publie un nouveau livre pour marquer l'événement. Hitler a donc un nouvel ami. Mais il doit tenir compte d'un autre homme qui a une toute autre vision du monde. Un homme qui va devenir un des grands acteurs de la Deuxième Guerre mondiale, Joseph Staline. Je voudrais que nous accueillions un homme qui, il y a déjà 20 ans, a dit et a chanté tout cela, c'est Philippe Clay. Philippe Clay. Alors effectivement, bonjour Philippe. Vous avez chanté une chanson qui s'appelait La quarantaine, il y a donc 20 ans, et qui disait absolument tout cela. Alors, on vous l'a apporté un jour ou c'est vous qui avez voulu développer ce thème? Ah non, pas du tout. Une chanson ne se fait pas tout seul. On a des auteurs, compositeurs, et nous étions en train de chercher un sujet. Quand je suis tombé sur un article dans l'hebdomadaire, ils nous ont pas le nom, les offres d'emploi. Et on demandait des représentants en chaussures, et il y avait en dessous plus de 40 ans s'abstenir. J'avais à peu près cet âge-là, mes auteurs aussi. On s'est dit, écoutez les enfants, s'il y a 40 ans, on n'est pas foutu de vendre une paire de pompes. Il faut qu'on pense à autre chose, il faut qu'on pense à la retraite, c'est vrai. Et ça nous a quand même un peu rendu furieux et on a fait cette chanson. Et est-ce que vous avez eu l'impression que ça crée un choc, cette chanson? Ah oui, mais la chanson a créé un choc et elle a créé surtout une chose, c'est qu'il a été interdit de marquer ensuite dans les articles moins de 40 ans s'abstenir. C'est déjà pas mal. Ça n'a pas changé grand-chose, remarquez. Oui, mais quand même. Parce que là, on était début des années 70, et puis après, dans les années 70 et 80, finalement, on a mis à l'écart, au rencard, tous les hommes de 50 ans. Et oui, et alors, ça m'a fiché. Et ça, ça vous a mis en m'a fiché une chanson en l'air. Parce que je me m'étais dit, la chanson avait très bien marché, j'avais 40 ans.

tu m'as appelé? Ah, c'est bon, moi qui dis. Oh, mais t'es fin, c'est toi qui. Oh, t'es bien, oui. Qu'est-ce que vous voulez, vous, là? Le 22 année. Alors, tu me passeras le 22 année, hein? Au revoir, chérie, au revoir. Je t'embrasse, moi, ça c'est moi. Merci, madame. Ça va pas être tellement marrant, non? J'étais avec mon héros, là, j'ai travers, comme j'étais pressé, j'ai qu'à jouer un coup de fil. Ça va balancer. C'est moi, excusez-moi, même. Je ne sais pas qu'est-ce que pour vous, monsieur. C'est moi, excusez-moi, de avoir mon scoop, ouais. Mademoiselle, j'aimerais avoir une femme. Yes, je me suis Vanderbroek. Vanderbroek. Monsieur Vanderbroek. Vanderbroek. 75. Vanderbroek. 75. Comment est-ce que vous dites? 75. 75. Combien que c'est ça, 75? C'est 95 moins 20. J'aimerais avoir le téléphone de monsieur Vanderbroek. De Vanderbroek, 75 pour voir. Mais ça est quelque chose. Impossible de me souvenir d'un crush. Je ne prends pas alors pas carousel. Mais c'est simple, je sais qu'il est charcutier. Pensez-vous que ce soit possible d'avoir en connaissant sa profession? On va voir ça. Allô? Allô? Passez-moi Liège. Bon, Belgium. Le Liège, dedans, il faudra un vendeur. Comment il est votre vendeur? Il est broc ici. Il est broc. Il est charcutier, c'est pas sûr, ma femme. Alors tu me le passes si tu l'as, hein? D'accord. Oui, t'as regardé le charcutier, puis ça y est, déjà. Liège, cabine 3. Une chasse, hein? Et mon aiguère. Et c'est là, ouais. Pardon, please. Pour San Francisco, 6307 X7. Allô? Cabine radiophonique, oui? Pour San Francisco, en Pennsylvanie. Comment tu m'as dit 6307, c'est ça, 6307 comme X7 à San Francisco. Yes, yes. Thank you very much. San Francisco, cabine 7. Et mon amière. C'est vrai, j'ai demandé la dernière, pas tellement, c'est vrai qu'il en a dit. Oh, si vous aviez... Excusez-moi, monsieur. Bitte. Sur le... Fräulein? Bitte, est-ce que c'est un Deutsch? Ja. So. Für Berlin. Erkauf von Straße 2, Alexanderplatz. Verstehen Sie? Ja. So, so, wie? Ja. Hallo? Passez-moi Berlin. Hallo, Berlin? Hier, Grosse Paris. Garçon? Bitte. Zwei Alexanderplatz. Zwei Alexanderplatz. Kauf von Straße. Ja. Donc, so. Berlin. Cabine 5. Wie viel? 5. Dankeschön. Bitte schön. Auf Wiedersehen. Et mon annière. Dis donc, vous faites exprès ou quoi? Vous pourriez pas me passer New York? Vous voulez savoir ce que vous voulez? Une seule coup, je lui dis, tiens, je veux New York. Passez-moi New York. Non, New York, tout simplement. New York, cabine 1. Hello, New York. Dites donc, vous ne pourriez pas me passer le 22, allez. C'est une barmaid qui est ma darling, mais into bed, c'est mon travelling, mon best-seller et mon planning, c'est mon starter after shaving. J'suis son parking, son one-man show, son fuel, son king, son slip au chaud. Rien qu'un petit flash au 5 o'clock, j'paie toujours cash dans le bon Dieu scope et j'cause français. C'est un plaisir. C'est ma starlette, ma very good, mon pic galette, mon Hollywood. C'est ma baby, au tifortou, c'est ma lady, oh, un toutou. Je suis son jockey, son steeple chaise, c'est la drivée à la française, dans le sleeping car. After paillasse, à son milk bar, je me tape un glace et je cause français. C'est un plaisir. C'est ma call girl, ma savourex, qu'efface sa gueule à coup de Kleenex. C'est ma Lucky, c'est ma pas mal, ma camelle qui fait ça pas mal. Quand c'est ok, on fait le remake. Quand c'est loupé, on fait avec. J'lui fais le mohair et la syntaxe. Très rock in chair, je shoot relax et j'cause français. C'est un plaisir. C'est une barmaid qu'est ma darling, mais in the bed, c'est du forcing, c'est du pam-pam à chaque coup de gong. C'est plus une femme, c'est un ping-pong. Quand je suis out, elle me sex appeal, et dans le blackout, je smash facile sur son standing in extremis. Je fais du pressing au self-service et je cause français. C'est un plaisir. C'est mon amour, mon coquelicot, mon petit bonjour, mon petit oiseau. And je speak French. C'est un plaisir. Si, je vous pourrais répondre. Non, vous m'avez psychiquement traumatisé. Je suis complètement retourné, madame. Donc, pour l'instant, vous allez retourner chez vous si vous ne savez pas. Regardez-moi. Poussez votre genou. Poussez votre genou. Ça dit que va. Suivant. Candidat suivant. Suivant. Ah, une femme, on est. Ça parle pas, non? Non, monsieur, il y a d'autres candidats. Vous pourrez dépêcher. Ça va, on vous dit quoi? On attend pour la faire monter avant l'examen, non? Ouais, hein? Bien sûr, faut pas pousser trop près quand même. Bon, ouais. Rabat avec moi, là, parce qu'il faut pas jouer avec l'homme. Hein. Essayez-vous, oui. C'est pas très bien. Bon, pardon, vous êtes bien installé, ça? Ah ben, oui, sauf les genoux, là, ça me gêne un peu les genoux, le truc. Oui, c'est une petite voiture. Ah oui, puis j'ai des gros genoux. Alors. Ça me gêne les genoux, quoi. Oui, c'est ça. La prochaine fois, on prendra un autocar. Ben, il y a intérêt, parce que je ne changerai pas mes genoux. Bon, monsieur, première question. Vous montez dans votre voiture, celle-ci ne veut pas démarrer, que faites-vous? Qu'est-ce que je fais, moi? Alors, vous feriez bien de savoir. Vous montez dans votre voiture, elle ne démarre pas, qu'est-ce que vous faites? Redites-moi ça un peu. Pour voir. Vous êtes un peu dur d'oreille. Vous montez dans votre voiture, vous tirez sur le démarreur, rien ne se passe, qu'est-ce que vous faites? Eh ben je descends! Ah oui, de la nivelle! Non, je descends, puis je fais un grand coup de pompe dans cette saloperie de bagnole! Puis après je prends ma clé à mallette, j'ouvre le capot, je casse le moteur en 1000 morceaux! Je frappe, je cogne! Parce que je suis pas du genre à me laisser emmerder par un tas de ferraille! Je ne vais pas faire autre chose non plus d'ailleurs! Suis-je assez clair? Bon. Autre chose, monsieur. Oui. À présent, vous arrivez à un carrefour. Oui. Un agent de la force publique vous fait signe de vous arrêter. Oui. Qu'est-ce que vous faites? J'avance et puis je débrouille pour l'attraper avec mon aile gauche. Puis j'y roule sur le buffet. Et au passage, j'ouvre ma portière, j'y balance un bon coup de latte dans la gueule pour la démonstration. Parce que c'est pas un flic qui va faire la loi, non? Prenez pas tout le siège. Bon. Maintenant, vous êtes sur une route départementale. Ça m'étonnerait. Qu'est-ce que vous dites? Je dis, ça m'étonnerait que je suis sur une route départementale. Oui. J'y vais jamais sur les routes départementales. Ah, oui. C'est plein de boue et ça sent mauvais. Oui, j'entends bien, monsieur, mais c'est une supposition. Alors. Vous êtes sur une route départementale? Non. Je suis sur une route départementale, je viens de vous dire que j'y mettais jamais les pieds sur la route départementale. J'aime pas ça, les routes départementales. Je hais les routes départementales. Les routes départementales, rien que de m'en causer, ça me donne envie d'envoyer des mandats dans la tronche à tout ce qui remue. Mais non, en admettant. Oh, oh, oh, je vais me le farcir. J'ai mal farci un petit asticot. Mais enfin, vous commencez à m'énerver avec vos questions. Oui, mais est-ce que je vous en pose des questions, non, est-ce que je vous en pose? Absolument pas. Est-ce que je vous demande qu'est-ce que vous faites si je passe ceci? Qu'est-ce que vous faites si je passe cela? Du coup, est-ce que je vous oblige à aller sur la route départementale? Qu'est-ce que j'irai faire? Je vous demande pourquoi vous avez cette tête d'abruti? Quoi? Et pourquoi ça fait un bruit d'évier quand je la remets? Hein? La seule chose que je vous demande, c'est si vous me donnez mon permis, oui ou non? Ah. Qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps en formalité, hein?